Débat. Les uns disent « Demain, il nous faudra changer. De nos malheurs présents, retirons les leçons. Cessons de saccager de toutes les façons la planète et la vie aujourd'hui en danger. » Les autres se redressent en clamant « Impossible. On ne peut régresser, vous êtes décliniste. C'est l'avenir des gens sans être pessimiste qu'ainsi vous condamnez d'un sort irréversible. » Il est à redouter que ces philippiques résultent en premier des immobilités et les oiseux débats auront priorité pour insuffler du vide aux thèses politiques. On se prend à rêver que d'aucuns philosophes, sages et clairvoyants, poètes visionnaires, viennent à gouverner du monde les affaires pour nous emmener loin de cette catastrophe.